Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine de transformation de poissons saumurés de Kumsan-pro et l'entreprise halieutique de Kumsan-pro qui vient d'être construite. Il a été accompagné de Fang Byung-soo et d'autres cadres responsables du parti et de l'armée. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a tout d'abord visité l'usine de transformation de poissons saumurés de Kumsan-pro, nouvellement mis sur pied. En faisant le tour du bâtiment de production, de l'entrepôt en galerie, du quai, des rives et de la digue des îles de Nungum-chi, il s'est enquis en détail de l'état de construction et des préparatifs de production. En affirmant qu'une usine de transformation de poissons saumurés modernes à la coréenne est construite à l'île de Nungum dans le secteur de Kumsan-pro, le dirigeant suprême a complimenté les cadres scientifiques et techniciens du domaine intéressé pour avoir obtenu les succès novateurs. Ils ont établi un processus technique à la coréenne permettant de produire par méthode industrielle des poissons saumurés par leur propre force sans aide d'autrui en réitérant réflexion et études. Et d'ajouter. Vous avez mis au point aussi le système de production intégrale après avoir mécanisé, automatisé et adopté le travail à la chaîne à tous les processus de production tels que préparatif des matières premières, mixage, maturation et introduction. Vous avez aménagé bien aussi le processus d'assurance des récipients, pris des mesures strictes pour garantir parfaitement la qualité des poissons saumurés, assurer la sécurité d'hygiène dans la production et construire un merveilleux entrepôt en galerie de grande capacité. Les travaux d'endiguement du quai, des rives et des îles de Nungum-chi aussi sont effectués de façon impeccable. L'usine de transformation de poissons saumurés, située à l'endroit adéquat, propre sur le plan de l'écologie marine et exempte de toute pollution, est magnifique aussi bien vue de près que de loin. Elle s'harmonise parfaitement avec la belle île de Nungum. C'est un nouveau paysage merveilleux dans le secteur de Kumsan-pro. Le dirigeant suprême a donné de précieuses instructions de valeur de guide dans la gestion de l'usine, grand centre des produits maritimes produisant des poissons saumurés de façon industrielle. Le problème de production de divers aliments faits de poissons saumurés, conformément aux espèces et caractéristiques des poissons de la mer de l'Ouest, le problème d'exploitation des produits célèbres capables de contribuer mieux au développement des poissons saumurés à la coréenne et de mettre au monde d'autres nouveaux produits de poissons saumurés, ainsi que les problèmes d'élaboration correcte de la stratégie d'entreprise et de gestion et de formation de compétents gestionnaires. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a ensuite inspecté l'entreprise halieutique de Kumsan-pro. En faisant le tour de divers endroits de l'entreprise, notamment la salle d'éducation des hauts faits révolutionnaires et le pensionnat pour pêcheurs, il s'est informé en détail de l'état de construction et de préparatifs d'inauguration. En regardant avec le large sourire aux lèvres le quai endigué étendu à perte de vue, il a dit « Il semble voir une piste de l'aéroport. La ligne du quai a l'air d'être tracée avec une règle. » Les travaux d'endiguement entre les îles de Nungum et de Kom auraient été très difficiles, mais nos militaires les ont terminés en 4 mois seulement et leur esprit indomptable est vraiment à vanter dans le monde. Vous avez eu la bonne idée de construire diverses excellentes serres derrière le quai d'endiguement, car on a utilisé efficacement les espaces. Le pensionnat pour pêcheurs aussi est aménagé vraiment impeccablement en prenant soin de tous les détails pour qu'il n'y ait aucun inconfort dans la vie des pêcheurs. En regardant avec une grande satisfaction les maisons d'habitation, le dirigeant suprême a dit qu'il semble voir un tableau de peinture et qu'une nouvelle cité portuaire splendide semble être construite dans la zone littorale ouest du pays. Ce jour-là, il a aussi fait le tour de la centrale d'énergie naturelle et a exprimé la satisfaction aux cadres scientifiques et techniciens du secteur intéressé qui, en s'inspirant fidèlement de l'orientation du parti consistant à exploiter au maximum de l'énergie naturelle, ont construit une centrale de capacité de production des centaines de kilowatts qui se marie bien avec le paysage afin de satisfaire suffisamment les besoins en électricité nécessaires à l'usine de transformation des poissons saumurés de Kumsan-pro et à l'entreprise halieutique de Kumsan-pro. Et de continuer. Il me semble avoir décidé la construction de ces entreprises au secteur de Kumsan-po quelques jours auparavant, mais d'énormes travaux ont été achevés déjà pour métamorphoser complètement cette zone. L'armée populaire a construit l'usine de transformation de poissons saumurés de Kumsan-po et l'entreprise halieutique de Kumsan-po, auquel le parti avait accordé un grand intérêt en merveilleuse création de l'époque du Parti du Travail. Elle a ainsi fait encore une chose utile pour le peuple. Il a ensuite donné les remerciements du commandant suprême de l'armée populaire de Corée à tous les militaires bâtisseurs qui ont pris part à la construction. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a exprimé l'attente et la confiance que le secteur intéressé et les cadres et autres travailleurs de l'usine de transformation de poissons saumurés de Kumsan-po et de l'entreprise halieutique de Kumsan-po s'acquitteront de leurs devoirs conformément à la construction d'excellentes créations inventées dans le monde afin de contribuer au mieux à l'amélioration de la vie alimentaire du peuple.